الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فيا أيها الأخوة في الله والأخوات، إنه من المؤسف جدا ألا نقي أنفسنا من الشبه، ونحن لا حصانة علمية لنا، وأن ندخل مواقع تخالف مواقع السلف ومواقف السلف رضوان الله عليهم، من مواقع التكفيريين والخوارج. وعندما ننصح من بعض إخواننا وأخواتنا نقول لم نرى شيئا ولم نتأثر بشيء. فيجب أيها الإخوة والأخوات أن نتقي الله في ديننا، وأن نحفظ أنفسنا وقلوبنا من شبه هؤلاء المنحرفين. وتأملوا كيف المكر يعلنون عن دورة طلبة العلم من المدينة ببعثهم بعض الرسائل الإلكترونية التي تحمل عنوان مواقعهم، ويغتر بهم الإخوان والأخوات. وسأذكركم ببعض ما قاله الشيخ عبد الملك رمضاني حفظه الله تعالى، وبما قاله الشيخ شلبي حفظه الله، قبل أن أذكركم بمواقف السلف تجاه أهل البدع وكلام أهل البدع ومواقف أهل البدع. Frère en Allah Azza wa Jal, les sœurs en Allah Azza wa Jal, il est attristant et qu'on ne se préserve pas des ambiguïtés. Il est très douloureux de savoir parmi nos frères et nos sœurs, certains ne se préservent pas et certains ont la détente facile sur leur souris pour pénétrer les sites d'Yel Tkfiriyin. Et les sites d'Yel Khawarij et tous sites qui est en divergence avec la voix du puiseur d'Allah. Et quand ils reçoivent des conseils de leurs sœurs et de leurs frères, ils disent, nous n'avons rien eu. Nous n'avons pas attrapé d'ambiguïté. Frère en Allah Azza wa Jal et sœur en Allah Azza wa Jal, nous devons préserver notre religion et préserver nos cœurs des ambiguïtés de ceux qui sont dans une mouvance qui est divergente de la voix de nos puiseurs d'Allah. Et méditez maintenant hier ce qui s'est passé, comment la ruse. Sidi al-Murabitoun, qui est un Sidi al-Kfiri, il annonce le séminaire que vont faire nos frères étudiants de l'université de Médine à la Courneuve ce week-end. Mais ils mettent leur lien directement. Ça veut dire que celui qui ne sait pas, il tombe directement dans le Sidi al-Kfir. Il va attraper des ambiguïtés. Hein? Et il va se faire avoir. Et je vais vous rappeler les conseils qu'a fait Cheikh Chalabi, hafidhahullah ta'ala. Rappelez-vous. Il a donné conseil aux frères et aux sœurs de ne pas rentrer dans certains sites comme Ansar Tawhid, comme le site d'Yal Murabitoun, comme le site d'Abdullah le Belge, et d'autres sites qui sont une voie d'Yal Tkfir. Cheikh Abdul Malik Ramadani aussi a conseillé de ne pas rentrer dans ce genre de site. Il a conseillé de mordre avec ses molaires sur le site d'Yel repère de la sunna. Mais attention, fais très attention, repère de la sunna, sans que la sunna prenne un H à la fin. Maintenant, leur ruse, maintenant, chez Tkfirin, c'est qu'ils ont fait le même salon, repère de la sunna avec un H. Tu crois que tu es tombé dans la voie du Pizel, tu es tombé dans Tkfir. Donc, il faut faire très attention. Tu tapes repère de la sunna et tu regardes si tu y es. Donc, repère de la sunna avec, qui se termine, dont la sunna se termine tout simplement avec A, ou là, tu es tombé dans repère de la sunna avec H. Et ça fait partie des ruses de ces gens pour tirer les gens, pour les faire tomber dans leur filet. Hein? Et Cheikh Abdel Malik Ramadani a dit, le meilleur des salons au niveau du français, c'est repère de la sunna sans H. Dans lequel il y a notre frère Ammar, qui fait ses cours, ainsi qu'Abdel Malik de Yenboua, ainsi que Cheikh Chalabi et d'autres. Ufaqahum Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam yuhibbu wa yardha. فالسلف رضوان الله عليهم منهم من كان منهم أعلم منا ومنهم من كان إلى أهل البدع ووقع في حبالهم. Les plus erdes, والله عليهم, ils étaient les plus ancrés dans la science. Ils avaient plus de science que nous. Ils nous arrivons pas à leur cheville. Et pourtant, parmi eux, des imams sont tombés dans l'innovation et dans le filet des innovateurs. وأهل العلم يحذرون الشباب السلفي من مخالطة أهل الأهواء سواء كانوا تبليغيين أو إخوانيين أو تكفيريين أو ياسينيين أو طلائعين أو كيفما كان نوعهم فهم منحرفون عن منهج السلف ويحذرونهم من الركون إليهم والاستئناس بهم فيجب علينا أن نعتبر بمن سلف ممن اغتر بنفسه ورأى أنه سيهدي أهل الضلال. Les hommes de science avertissent la jeunesse salafie de ne pas se mélanger avec les gens de l'innovation et les gens qui suivent leur passion. Que ce soit les tablir, que ce soit les ikhwan muflisoun, ou la tkfir, ou la liyassinite, ou la ta'ain, ou la jeunesse musulmane de France, ou la d'Europe, peu importe. Et qu'ils ne restent pas en leur compagnie, et qu'ils ne prennent pas plaisir à les écouter, et qu'ils ne se penchent pas vers eux. Il ne faut pas qu'on se fasse, qu'on soit imbu de soi-même, qu'on se dise on est. Il faut qu'on prenne le son de la voix de nos plus erdes, d'Allah alayhi. Certains, parmi les aïeuls, rahimahumullah, ont été imbus d'eux-mêmes. Ils ont vu qu'ils peuvent guider les gens de l'égarement, et tout d'un coup, ils sont tombés dans leur filet, ils sont devenus des ennemis de la vérité. اسمعوا لقصة عمران بن حطان كان من أهل السنة وهو امرأة من الخوارج فتزوجها ليهديها إلى السنة بزعمه فأوقعته في البدع. Maintenant écoutez l'histoire de Imran ibn Hittan. Il était parmi les gens de la Sunna. Il a eu un penchant et l'amour pour une femme qui était de tendance kharijite. Il a aimé cette femme. Il s'est marié avec elle pour la guider, pour la ramener vers la voie du Puzayr d'Allah alayhi. Il est tombé dans l'innovation d'El Khawarij. Et pourtant, qu'est-ce que tu veux dire, moi et toi? Nous n'avons pas le dixième de la science de Imran ibn Hittan. Non, ils sont gentils. Non, ils appellent à la fraternité dans la communauté. Subhanallah. وكثير من إخواننا يقولون أنا أدخل مع أهل الأهواء ليهديهم فيقع في حبالهم. عبد الرحمن بن ملجم عليه ما يستحق من الله وعمران بن حطان كانوا ينتمون إلى السنة ثم وقعوا في الضلال وأدى بعبد الرحمن بن ملجم فجوره أن أقتل عليا رضوان الله على علي وأدى بعمران بن حطان فجوره أن مدح هذا القاتل قاتل علي نسأل الله السلامة والعافية قال وبئس ما قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا أكرم بقوم بطون قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا هذا كله قاله في ماذا؟ في مدح قاتل علي. قاتل الله الجهل والهوى، قاتل الله البدع والانحراف عن منهج السلف رضوان الله عليه. Et beaucoup de nos frères et de nos sœurs me disent, moi je suis avec les gens de l'innovation, et je suis avec les frères Tablir, les frères Egouane, et j'en passe les noms pour les sortir de là, pour les guider. Et tout d'un coup ils tombent dans leur filet. Il devient un grand défenseur de leur voix. Abdelrahman ibn Muljim faisait partie des gens là de la Sunna. C'est un grand moqre. Imran ibn Hittan, tous les deux appartenaient à la Sunna. Ils sont tombés dans le filet de l'égarement et dans le filet des gens de l'égarement. À tel point que la perversité d'Abdelrahman ibn Muljim l'a poussé à tuer Ali radiallahu ta'ala anhu. A tuer le quatrième khalife, ridwanullah, le gendre du prophète alayhi salatu wassalam. Et la perversité, et le fait de dépasser sa limite, et de sortir de la voie des épuisés, ridwanullah alayhi, a poussé Imran ibn Hittan à faire l'éloge d'Abdelrahman ibn Muljim. L'assassin de Ali, Imran ibn Hittan, lui fait ses éloges. Écoute ce qu'il dit dans un poème. Malheur à ce qu'il a dit. Comment il va rencontrer Allah Azza wa Jalla avec ça? Il dit, Ya darbatan uku. Celui qui, il parle comme quoi, Abdelrahman ibn Muljim est quelqu'un qui préserve les droits de l'Azza. Et un coup qui émane de quelqu'un qui préserve les droits de l'Azza, il voulait avec arriver à un degré très haut, c'est Allah Azza wa Jalla. Et dans l'agrément de l'Azza. Il dit, quand je me la rappelle 10 fois, je crois qu'il est le meilleur des créatures d'Allah Azza wa Jalla dans sa dévotion vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Voilà. Regarde, le fait de fréquenter les gens de l'innovation, qu'est-ce que ça a ? Avec, il voulait se marier, je crois que c'est la fille de sa tante, c'est une de ses cousines. Se marier avec elle pour la sortir des griffes d'Al Khawarij. Il est tombé dedans. Abdelrahman ibn Muljim est tombé dans l'esprit d'Al Khawarij, alors qu'il était un homme de la Sunna et un grand moqre. Il a assassiné Ali radiallahu anhu et Imran ibn Hittan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui fait ses éloges. Hada les passions. Hada. Le sectarisme nous amène à ce point-là. À être aveuglé et à ne plus voir la vérité. وحصل إلى عبد الرزاق ومن هو عبد الرزاق من أئمة الحديث وما أدراكم ما عبد الرزاق ومصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى أن انخدع بعبادة وزهد جعفر بن سليمان الضبيعي أنس إليه فوقع في حبائل التشيع عبد الرزاق عند زمام دو حديث عندك L'imam Ahmed, il a voyagé jusqu'au Yémen pour apprendre chez Abdelrazza, un des grands imams du hadith. Il s'est fait avoir par l'adoration et par l'ascétisme de Suleyman Dbi'i et il s'est réconforté à lui et il est tombé dans Tashayyu. Et Tashayyu qu'avaient les plus aïeux et les imams n'est pas comme Tashayyu qu'ont les chiites de nos jours. Un imam du hadith. Qu'est-ce qu'il en est de toi et de moi qui sont nés dans les zip, qui n'ayons même pas le biaba de la langue arabe? Où est-ce qu'on est? Hein? Pas croire. Il est beau, il est gentil. Ah, là, c'est l'apparence. Creuse derrière. Creuse derrière ce qu'il y a. Les idées des fondateurs. Les idées du groupe. Les principes du groupe. Qui c'est quoi? Wan khada'a Abu Dar al-Harwi. رحمه الله راوي الصحيح بروايات وهو من أعلام الحديث من أعلام الحديث وراوي الصحيح بروايات مختلفة وهو من أعلام الحديث انخدع بكلمة واحدة قالها الدارقطني في مدح الباقلاني فجرته إلى أن وقع في حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية انتشر بسببه المذهب الأشعري في المغرب العربي لأن المغرب كانوا يأنسون إليه وكانوا يأتون إليه ويزورونهم فنشر فيهم الأشعرية فأهل المغرب قبل أبو در الهروي ما كانوا يعرفون إلا السنة والمنهج السلفي فسن لهم هذه السنة السيئة وأدخلهم في مذهب الأشاعرة وعقيدة الأشاعرة، صلى الله سبحانه وتعالى تسلم عليه. وهؤلاء أئمة وعلماء، فكيف بنا نحن؟ من لا علم لنا ولا حصانة علمية لنا؟ كيف؟ إيه أبو ذر الهروي سيفي أفواه pourtant Abu Dhar al-Harawi il a transmis l'authentique par plusieurs versions de l'authentique, pas une version, plusieurs versions. Un des imams du hadith, un des emblèmes du hadith. Il s'est fait avoir par une seule parole. Une seule parole. Où Daraqutni a fait l'éloge d'Al-Baqlani, qui était sur la voie d'Al-Asha'ira. Et cette parole, cet éloge, a ramené Abu Dhar a tombé dans le filet d'Al Asha'ira, dans le dogme d'Al Asha'ira. Il est devenu un des grands du'ats d'Al Asha'ira, à tel point que cette voie et ce dogme d'Al Asha'ira s'est propagé au nord de l'Afrique à cause de lui, parce que les gens du Maghreb venaient vers lui et ils trouvaient plaisir à sa discussion et à son enseignement, etc. Et ils ont appris chez lui le dogme d'Al Asha'ira et ils l'ont propagé au Maroc. Alors qu'avant, Abu Dhar al-Harawi, chez les Maghrébins, ils étaient que sur l'aqida d'Al Salaf et sur la voie d'Al Salaf. Et pourtant, une parole a entraîné Abu Dhar al-Harawi, une éloge qui est faite à Al-Baqlani par Daraqutni, a entraîné Abu Dhar à tomber dans le filet d'Al Asha'ira et à devenir un défenseur d'Al Asha'ira. Et que la voie d'Al Asha'ira se propage au nord de l'Afrique. والأمثلة على هذا كثيرة. انظر من صغار الصحابة رضوان الله عليهم ومن كبار التابعين الذين وقعوا في شباك عبد الله بن سبأ والخوارج الذين خرجوا على علي، مع أنهم في جيل يعد من أعظم الأجيال، من أفضل الأجيال، ومع ذلك وقعوا. regarde maintenant parmi ceux qui ont vécu dans les meilleures des générations de l'islam à l'époque de Ali رضي الله عنه، des grands tabi'in sont tombés dans le filet et dans les idées d'Yal Khawarij. Ils ont pris les armes contre Ali, radiallahu anhu wa arda. Et pourtant, la science, ils étaient des excellents en arabe. Notre arabe, nous, si un arabe venait à se réveiller de sa tombe de l'époque de Mohammed alayhi sallatu salam, ou de la génération de ses successeurs, il va tomber avec crise cardiaque quand il va entendre notre façon de conjuguer les verbes et comment on apprend notre arabe. Notre arabe a besoin d'être arabisé. C'est ça qu'il ne faut pas. Et là, moi, je ne vois rien, je ne vois rien dans leurs livres, je ne vois rien dans leur site, je ne vois rien dans leur en fait de les accompagner. Akhal, l'islam, préserve les droits de l'Allah, préserve ta religion, préserve ton cœur. L'imam al-Bayhaqi, min a'lam ahl al-hadith, wa ankhada'a bibn Furq, wa saqata fi al-ash'ariya. Le Bayhaqi, un des emblèmes des hommes du hadith, il s'est fait avoir par Ibn Furq. Il est tombé dans l'aqida de l'Asha'ira. Wa nahnu juhal wa la nasilu ila al-turab alladhi yasqutu min arjul ha'ula wa ma'a hadha natiqu bi anfusina wa naghtarru biha wa indama wa ma 'indana 'ilmun yahmina min shubahihim wa min afkarihim fa nahnu awla بأن نقع في حبال هؤلاء المخالفين لمنهج السلف رضو الله عليهم. Et nous, les ignorants, ils n'arrivons même pas à la poussière qui est tombée des pieds de ces puisés رضو الله عليهم. Nous sommes une proie facile pour tomber dans le filet de l'égarement et des gens de l'égarement et dans les voies de l'égarement. Très facile. وكثير من الناس في هذا العصر ممن عرفناهم على المنهج السلفي لما اختلطوا بأهل البدع ضلوا، لأن أهل البدع لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرفها الشيطان في الوقت الماضي، حيل. Et beaucoup de gens dans le monde contemporain et dans ceux qui étaient autour de nous aussi, rappelez-vous Ntouma à Bruxelles, hein, et que les frères de Lille se rappellent aussi. Beaucoup de frères étaient avec nous dans la... Et pas tout simplement parler des ignorants comme nous. Allons, gars, parmi ceux qui comptaient parmi l'élite de cette voie et qui avait la science. Quand ils se sont mélangés avec les gens de l'innovation, ils les ont égarés. Ils sont tombés dans leur filet. Car le style et l'activité et l'activisme d'Al Bida, il est diversifié. Ils ont plusieurs voies pour te faire tomber. Ils ont peut-être des voies que Shaitan ne les connaissait pas. Ils ont des styles que Shaitan peut-être ne connaissait pas, ce style pour faire tomber les gens. ومن طرقهم أنك تقرأ وتأخذ الحق وتترك الباطل وكثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل فكيف يميز بين الحق والباطل فيقع في الباطل ويقعون في الباطل ويرون أنه الحق ويرفض الحق يرى أنه الباطل وتتقلب عندهم الأمور وكما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. Il fait partie de leurs voix qui sont subtiles. Il dit, prends la vérité et laisse le faux. Écoute, prends la vérité et laisse le faux. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas la vérité. Comment ils peuvent faire la part des choses? Il ne faut pas s'envoyer dans la gueule du loup. Il faut regarder la réalité en face. Il ne faut pas être un but de soi. Il ne faut pas se donner une place qu'on n'a pas. Comment s'envoyer dans la gueule du loup? On ne connaît pas la vérité et on nous dit, allez, écoute, il lit, est-ce qu'il est véridique, prends-le, est-ce qu'il n'est pas. Comment je ne sais pas faire la part des choses? Comment tu veux que je fasse? Et dans ces cas-là, ce qui est arrivé à beaucoup qui ont pris cette règle, c'est qu'ils ont pris le faux pour le vrai. Ils combattent le vrai maintenant. Hein? Et comme il a dit Hudayfa radiallahu ta'ala anhu wa arda, il dit l'égarement et tout l'égarement, c'est que tu rejettes ce que tu as connu. C'est-à-dire la vérité que tu as connue, tu la mets de côté. Et que tu approuves ce qui était blâmable auparavant, le faux. Tu prends comme vrai le faux et tu prends comme faux le vrai. Et ça, c'est l'égarement total. C'est tout à l'envers. On marche plus sur ses pieds, on marche sur sa tête. Fa tara ba'd al-ikhwan wal akhawat sa'irin fi al-maydan salafi wa 'ala an-najh salafi ma sha'a Allah wa ma tuhass illa wa qad istadara al-masakin fa'ida bihim yusbihuna harban 'ala as-sunnah وأهلها يصبح المنكر عندهم معروفا والمعروف عندهم منكرا. Tu vois certains frères, certaines sœurs marchent plusieurs années. Ce que veut Allah Azza wa Jal, ce que l'a décrété Allah Azza wa Jal de marcher sur la voie de l'épuiseur de Allah Alim. Et tout d'un coup tu vois qu'ils ont changé. La vérité est devenue le faux pour eux, et le faux est devenu pour la vérité, et ils commencent à débattre et à défendre le faux et les gens du faux. Il devient une guerre contre la vérité et les gens de la vérité. Et ça, nous l'avons vécu. Nous le voyons devant nous. Que ce soit ici à Bruxelles ou là, hein, les exemples sont nombreux. Ah, t'as pas besoin de dessin. Hein? فحذاري حذاري إخوة الإسلام من الاغترار بأهل البدع. والركون إليهم وحذار من هذه المواقع المرابطون أنصار سنة غبير دولة سنة بأش كانوا شيمي وإطر كدينو faut faire très attention frères en islam de ne pas se faire avoir par les gens de l'innovation et de ne pas se pencher vers eux et faire très attention à ces sites d'El Tkfirin, comme le Mourabitoun, comme Ansar Touhid, comme le site d'El Abdullah le Belge, et comme repère de la Sunna avec un H à la fin, et comme l'autre repère qui s'appelle Tanushimi, et autres. Et dès que tu rentres dans l'un d'eux, ils te donnent des liens d'autres sites qui sont pires. Les uns sont pires que les autres. Ça, c'était une parenthèse, parce que ce que j'ai lu hier sur la... sur le salon, subhanallah, des sœurs, des frères propagent les sites d'Al-Takfir. Parce qu'ils se sont fait avoir tout simplement parce que ce site a mis la publicité pour le séminaire de nos frères étudiants de l'université de Médine. Il faut faire très attention à ça. Et je crois que avant la fin de cette visite, Inch'Allah, on va revenir et voir les positions du Puzayel vis-à-vis des livres et vis-à-vis des cassettes et des cours d'Yel les innovateurs. فعودا إلى ما كان مقررا معنا اليوم إلى حكيم هذه الأمة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه. Nous revenons à ce qui était programmé pour aujourd'hui, qui est Abu Darda, le sage de cette communauté. يقول ربنا عز وجل في صحابة رسول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette description des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, il est des croyants, des hommes qui ont été véridiques dans le pacte qu'ils ont pris avec Allah azza wa jal. Parmi eux, certains sont morts, d'autres attendent. Ils n'ont rien changé. Ah, la caractéristique principale, c'est de ne rien changer. Ne rien changer de la voix de ton prophète alayhi salatu wassalam. Ne rien changer de ce que veut Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la caractéristique la plus importante sur laquelle tu dois monter. C'est de ne rien changer dans la religion d'Allah Azza wa Jal et dans la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et qu'il a fait que ce soit le chemin qu'il agrée pour arriver à son paradis et à son agrément. Aoulaï rijal madkourouna fi hadhi al-ayahum sahabatu rasulillah khtarahum allahu li sohbati nabihi wa nusrati dinih. Ces hommes qui ont cité dans ce verset, ce sont les compagnons du prophète, alayhi sallatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour accompagner son messager, alayhi sallatu wassalam, et pour faire triompher la religion d'Allah, azza wa jal. Hubbuhum dinun wa iman. Hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Alhamdulillah. Leur amour, c'est une religion. L'amour du compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, est une religion, est une foi, et une bienfaisance. Le fait de les détester, c'est une mécréance, c'est une hypocrisie, et dépasser ses limites. Qu'on déplaise à Rawafid, qui insulte les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie comme il se doit, qu'il coagule le sang dans leurs veines. أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. Les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, celui qui les aime, qui prend leur chemin, aura le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. ربنا يقول فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتباع بإحسان لصحابة رسول الله يحصل لك رضوان الله. ما عن ماذا تبحث؟ رضا الله فهو في اتباع صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الله سبحانه وتعالى décrit ainsi. Il nous montre que l'agrément, son agrément, il n'est que dans leur chemin. Il est premier parmi les immigrants, ceux qui ont laissé la Mecque pour Médine, pas nous. Donc ils ont laissé la Mecque pour Médine pour leur religion. On a laissé les pays de l'islam pour notre vente et pour l'économie. C'est une grande différence. Parce que certains ils disent, muhajiroun. Là, tu n'es pas muhajiroun à l'islam. Peut-être tu es mustagrib. Tu t'es fait étranger. Donc ils l'ont fait pour leur religion. Nous, on l'a fait pour le portefeuille. Il faut regarder la réalité en face. Point final. Et les premiers parmi les muhajiroun et l'ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine, ils les ont fait triompher, et triompher la religion de l'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui les suivent à la perfection. Maintenant, chauffe avec moi. Tu n'es ni muhajiroun ni ansari. Qu'est-ce qu'il te reste? y a une troisième catégorie, il faut que tu rentres dedans. C'est que tu les suives à la perfection. C'est que tu cherches leur chemin. Et que tu le prennes. C'est tout. En dehors de ça, il y a plusieurs chemins, comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un chemin qui va t'amener à l'agrément de l'Azza. Il faut que tu le cherches. C'est ton devoir. C'est une preuve, minallah azza wa jal, qu'il y ait cette division. Pour que tu cherches la vérité. Et que tu aies les mérites de cette vérité. Hein? Qu'est-ce qui arrive quand on les suit à la perfection? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée au moins. Il n'y a pas de problème. Au moins, ils rentrent dans l'agrément de l'Allah azza wa jal. Mais toi, si tu veux être agréé, il faut que tu le suives à la perfection. Et eux, ils ont agréé ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé dans le delà. Hein? وقال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم كون دي بليز الإخوان كي ديز كو سو حديث ديفيز لا كومونوتي ولا سي تان دوكري من الله عز وجل كيس كو تي فو فير كونتر سك الله سبحانه وتعالى لي ديكريتي كيس كو تي فو فير. Ma communauté se divisera en 73 sectes. Tout en enfer sauf une. On lui a dit, c'est là qu'elle est, Rasulallah. Il a dit, celle qui est sur la même voie que moi, moi et mon compagnon. Point final. Andak. Ben, ça ne veut pas dire qu'ils vont être éternels en feu de l'enfer, qu'ils sont tous mécréants, loin de là. Comme l'ont expliqué les hommes de science. Certains vont être éternels au feu de l'enfer contre leur innovation et leur divergence avec la voie de Mohammed alayhi et ses compagnons et du domaine de la mécréance. Ah, là, y a pas à discuter. Quand leur voie n'est pas de ce domaine-là, c'est une voie de, et juste de l'innovation qui n'est pas mécréante, là, il reste sur le vouloir d'Allah. Ou Allah, il les châtie, et ça sera une justice minallah azza wa jal, ou là, il leur pardonne, et ça sera un bienfait minallah avec lequel il les a comblés. Point final. C'est comme ça qu'il faut prendre le hadith. Et non pas autrement. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ونعم ما قال فكلام صحابة رسول الله يجب أن يكون لنا قواعد وأصول نمشي عليها ويجب أن نتمتع أن نتمعن فيها ونتأملها ليس كما يفعل البعض يا الله يا أخي نتمم الليلة باش بقراءة قصة من حياة الصحابة لكي ننام. ماذا استفدنا منها؟ سنوات ونحن نسمع. ماذا؟ أين التطبيق؟ أين العمل؟ فقط كان يا مكان حتى كان في قديم الزمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما. عندك كانوا علماء ليس كما يدعي البعض. صحابة ما عندهم علم، ما كان عندهم البخاري، ومن أصل البخاري والترمذي إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصله؟ وهذا تسمعوه من رموز، من رموز جماعة التبليغ. عندما أتاني هذا يونس في المسجد الذي كنت فيه إمام، قال لي: هل الصحابة ما كان عندهم البخاري ولا سنن الترمذي؟ قلت له: وما أصل سنن الترمذي والبخاري إلا الصحابة، من أين أتوا به إلا من عند الصحابة؟ فصحابة رسول الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. عبد الله بن مسعود نمونت نودي ساشكو لي باول ديال الله لي كومبانيون بروت على سيت مين دوف اتر دي فوندمون بور نو اي دي جالون سور لا روت. Nous devons les méditer et les mettre en application et les voir en face de nous. Parce que leur parole sort directement. C'est une interprétation directe de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam et des enseignements et des recommandations du prophète alayhi salam. il dit radiallahu ta'ala anhu wa arda'ah, dans ce qui a été rapporté par Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dans Minhaj Sunnah, celui qui veut prendre comme exemple, qu'il prend ceux qui sont morts en exemple. À quelle époque il l'a dit? À l'époque, hein, le deuxième calife de Omar ibn Khattab. Khilafa de Omar ibn Khattab. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de compagnons qui sont vivants, et il oriente déjà les gens à cette époque à prendre comme modèle Abu Bakr Siddiq et ceux qui sont morts parmi les compagnons. Hein? Il dit, car le vivant, tu n'es pas épargné de cette perturbation. Tu ne sais pas. Il dit, ceux-là, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, ils étaient par Allah les meilleurs de la communauté. Et ceux qui avaient des cœurs dévoués pour Allah azza wa jalla. Ils étaient profondément ancrés dans la science. Ils étaient profondément ancrés dans la science à l'islam. Pas qu'on prétende jamais à tablir que les compagnons n'avaient pas de science. Et que la science, on a... Hein? Ça, moi, je te le dis. Quand j'étais imam dans le nord de la France, dans un petit village qui s'appelle Duchy, il y a eu Hada, l'émir de France, Younes, qui est venu me voir. Et après le débat, il me dit, mais les compagnons n'avaient pas ni Sahih al-Bukhari, ni Muslim, ni Kada. Subhanallah. La matière de Sahih al-Bukhari, il vient de quoi? An Abi Huraira radiyallahu anhu, an Abdullah ibn Mas'ud, an Abdullah ibn Amr. Où sont la raison de cela? Quand ils parlent ainsi, est-ce qu'ils ont vraiment, ils utilisent leur raison à réfléchir? Là, ils n'avaient pas besoin de Bukhari ni de... La matière, s'il n'y avait pas les compagnons du prophète, il n'y aurait pas Sahih al-Bukhari. Il n'y aurait pas Sahih Muslim. Il n'y aurait pas Riyad Salih. Il n'y aurait rien du tout. C'est eux, la matière. Ils étaient ancrés dans la science. Ils ont reçu une science du prophète, alayhi salatu salam. Parce que les messagers ont laissé comme héritage quoi? La science. Et qui a eu cet héritage directement? Ce sont les compagnons qui l'ont transmis à ceux qui sont venus derrière eux. Et ce sont des gens qui s'imposent peu. Ils ne vont pas dans les extrêmes au niveau de la pratique de leur religion. Ils s'imposent peu des choses de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Ibn Saoud, les a choisis pour accompagner son prophète et pour accomplir la religion d'Allah azza wa jalla et faire triompher la religion d'Allah azza wa jalla. Et il dit, rahmatullahi radiyallahu anhu wa arda, فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, reconnaissez-leur leur vertu et leur place, et suivez-les, suivez leur chemin, et cramponnez-vous selon vos capacités à leur comportement et à leur religion, car ils étaient sur la rectitude, sur la voie droite. هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَوْ سَبَّهُمْ أَوْ سَلَكَ سَبِيلًا غَيْرَ سَبِيلِهِمْ شَقِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ceux-là, ce sont les compagnons du prophète. Celui qui les déteste, celui qui les insulte, celui qui prend un autre chemin que leur chemin, il sera malheureux dans ce bas monde et dans le delà. Et c'est pas ce qu'il attend dans le delà. يقول عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنين عندما نزلت السورة هم من أبو بكر وعمر وعثمان وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن أنت ولا أنا ولا حسن البنا ولا إلياس ولا ولكن كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء كانوا في السبيل سبيلهم والطريق طريقهم والمعتقد معتقدهم والفهم فهمهم والتطبيق تطبيقهم. هاي ويتبع غير سبيل المؤمنين كيف نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الله سبحانه وتعالى attire notre attention sur un chemin qu'il faut pas rater, un chemin qu'il faut prendre, qu'il est obligatoire si tu vas voir la... Tu veux être heureux dans ce bas monde et dans le delà. Tu ne veux pas être attristé et malheureux dans ce bas monde et dans le delà. Il faut que tu le suives. Le verset nous dit ceci dans Sourate An-Nisa, verset 115, et celui qui prend une autre voie que la voie du prophète, alayhi salam, après avoir connu la guidée, et suit un autre chemin que le chemin des croyants. C'est suffisant, là, d'être en divergence avec la voie du prophète, alayhi salam. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, attire notre attention qu'il y a une autre voie qu'il agrée, qui est identique à celle du prophète, alayhi salam, qui est la voie des croyants. Et les croyants, quand ce verset a été révélé, il est évident que tu n'étais pas là, je n'étais pas non plus. Et le fondateur du Jama'at Tabligh, Ilyas, ou Hassan al-Banna, des Ikhwan, et Qutb et autres, ils n'étaient pas là. Mais qui était là? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Abu Huraira, Abdurrahman ibn Auf, Abu Darda, les compagnons du prophète, alayhi salam, ils s'étaient. D'où ils étaient là? Ça veut dire que le chemin et la voie à prendre dans les croyants, c'est leur voie. La voie à prendre dans la compréhension, c'est leur compréhension. La mise en application, c'est leur mise en application. Le comportement, c'est le leur. Tout. Sinon, si on rate ce chemin-là, qu'est-ce qui arrive? Nous allons avoir l'alliance avec ceux avec qui on a cherché l'alliance. Et chercher l'alliance des Tekfiris, ben, je serai avec eux. Et chercher l'alliance avec les Ikhwan, ben, je serai avec eux. Chercher l'alliance avec Tabligh, je serai avec eux. Et la fin est douloureuse. Parce que on est dans une norme, dans une idéologie qui est dans une grande divergence avec la voix du prophète alayhi salam et de ses compagnons. La situation est trop grave. La fin est dure. Il en va du paradis ou de l'enfer. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man sabba ashabi. من سب وعليكم السلام ورحمة الله من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذه لعنة كل يوم تنزل على كل رافض حاقد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاقد مبغض لصحابة رسول الله يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم نزدي celui qui insulte mes compagnons il a la malédiction d'Allah La malédiction des anges et la malédiction de tous les gens. Ça, c'est une malédiction que reçoivent Rafid à chaque jour. Depuis que ce mouvement existe jusqu'à la fin des temps. Allah les maudit, les anges les maudissent et l'humanité entière les maudit. Abu Darda, ta'rifouna ikhwat al-islam, Abu Darda, hakim hadi l'umma. واحد من حفظ القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء في partie c'est le sage de cette communauté comme l'a désigné le prophète عليه الصلاة والسلام il fait partie de ces quatre qui ont mémorisé le Coran durant la vie du prophète عليه الصلاة والسلام فهو الإمام القدوة الحكيم حكيم هذه الأمة وسيد قراء دمشق أبو الدرداء c'est l'imam c'est l'exemple c'est le sage de cette communauté c'est le noble parmi les mémorisateurs du Coran de Damas صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخزرجي الأنصاري رضوان الله عليه على صحابة رسول الله أجمعين. C'est le compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام l'un des quatre qui a réuni, qui a mémorisé le Coran. Il l'a réuni à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام durant la vie du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est un Khazraji, fait partie de la tribu de Khazraj, et c'est un Ansari parmi les Ansar de la Médina. من مناقب هذا الجبل وهذا الرجل العظيم هؤلاء هم قدوتنا البعض يبحث عن القدوات وعن الأمثلة وعن الأسوة هؤلاء هذا قال لك برازيزو لطفا مرضهم ولطفا شرهم فلا Et ces vertus sont nombreuses, akhal islam. Et ça, ce sont nos modèles. Et si nous devons chercher des modèles, c'est dans ceux-là qu'il faut chercher. Hada, il cherche dans Zuzu un modèle. L'autre, il cherche dans مرضهما مضل، لو تخيل الشيخ دون شرهما مضل، إيه إلي مضل كالله سبحانه وتعالى غريب بوغ نو. ألوغ تيت محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، أبو الدرداء، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، هذا ستي مضل أخ الإسلام، هذا تدوال يكون. Malheureusement, beaucoup de nos jeunes connaissent plus les chaussettes de Zozo que la vie d'Abdullah ibn Abbas. Malheureusement. C'est une grande catastrophe. C'est un malheur qui fait rigoler. Des fois, tu as le mal, tellement mal que... Et là, c'est une tristesse. Min manaqibi ridwanullahi alayh annahu radiyallahu anhu min al-arba' alladhina jama'u al-Qur'an fi hayat an-nabi. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد رضوان الله عليهم جميعا. L'une des premières vertus et l'une des premières grandes qualités de ce noble homme et de ce noble compagnon qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, c'est qu'il fait partie des quatre qui ont réuni, mémorisé le Coran durant la vie du prophète, alayhi sallallahu alayhi. Anas ibn Malik, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, nous dit, Rasul sallallahu alayhi sallam est mort, alors qu'il n'y avait que quatre qui ont réuni, qui ont mémorisé le Coran. Abu Darda, Mu'ad ibn Jabal, Zayd ibn Thabit, ou Abu Zayd, Ridwanullahi alayhi, sahabati Rasulillah. Les quatre. Rappelle-toi de ces quatre. أبو الدرداء معاذ بن جبل زيد بن ثابت وأبو زيد. ثانيا من مناقبه رضي الله عنه قربه وحرصه على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. في partie de ses qualités aussi et de ses vertus, c'est que son acharnement à s'approcher du prophète عليه الصلاة والسلام et apprendre du prophète عليه الصلاة والسلام. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يبين لك أنه حتى في السفر حفظ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاك به وبلغه، وهذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Abu Darda de nous dire, radiyallahu anhu, nous étions en voyage avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et chacun de nous mettait sa main sur sa tête par la chaleur pour se protéger du soleil. Et il n'y a personne qui jeûnait à part le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Rawaha. Ça te prouve comment il essaye de savoir tout ce que fait le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour le transmettre à cette communauté. Là, après cette science, Rasul sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, en jeûne. Alors que tous ils étaient avec Abdullah ibn Rawaha seulement, et alors qu'ils étaient en voyage, qu'il faisait très chaud. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Rahimallahu a'immat al-din. Wa yaqulu Abu Darda, awsani khalili Aba al-Qasim, sallallahu alayhi wa sallam, bi thalat, la da'ahunna. Faqat awsah, walakin qal la ad'ahunna. أي أعمل بهن. لماذا؟ إنه أوصاه أبا القاسم، إنه أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن لا أنام إلا على وتر وسبحة الضحى. واصل الحديث في مسلم. أبو الدرداء دونودير منامي أنتيم أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم m'a conseillé trois choses et je ne les laisserai pas, ces trois choses. C'est-à-dire, Rasoul Salah lui a enseigné, il les met en application. Ici, Abu Darda les a transmises pour que nous les mettons en application, parce que ce sont des orientations, des directives de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il m'a conseillé de jeûner trois jours durant le mois. Trois jours durant le mois. Dans la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu vas trouver le détail de ces trois jours. Soit les trois jours de pleine lune, soit certains jeudis du mois, etc. T'as le détail comment faire à ces trois jours. Mais l'essentiel, c'est de se cramponner à cette sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il est cramponné Abu Darda, radiyallahu anhu. Il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il m'a conseillé de ne pas dormir avant d'avoir fait le witr. Et tout un chacun de nous qui sait de lui-même qu'il ne pourra pas se réveiller une demi-heure avant le fajr, etc., doit prendre ce conseil d'eux pour ne pas rater son witr. Hein? Et il m'a conseillé aussi la prière d'Al-Duha. Tout ça, ce sont des conseils. Abu Darda, il les a pris du prophète, il les a mis en application. Et nous aussi, nous devons s'y comprendre selon nos capacités. Si on peut faire plus selon les autres directives du prophète, il faut faire. Mais il ne faut pas faire comme... Il ne faut pas être comme a dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, de tomber comme un cadavre. Se réveiller qu'une fois qu'il reste 5 minutes pour pouvoir aller en courant à Salat al-Fajr ou la autre. Hein? Il faut avoir un peu de qiyam al-layl, un peu de ceci, la lecture du Coran, etc. C'est impossible. Les gens qui cherchent, les jeunes qui cherchent la vérité, qui veulent être sur la vérité, qui veulent apprendre, ils n'ont pas un wird de nuit, ils n'ont pas des heures de jeûne. C'est incompatible. Ça va de pair. Tu cherches la vérité, tu veux apprendre. Il faut que tu aies cette sunnah de notre prophète alayhi salatu wassalam et de ne plus erreur dans l'âme. Parce que c'est leur chemin. Ça t'aide. Ça aide beaucoup. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام. هذا جاء في مسند الإمام أحمد وهو صحيح لغيره، ومع ذلك ترى فئام من الناس يخصون ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي ويصومون يوم الجمعة خاصة مفردا من دون الأسبوع. فاعلم فلنعلم أن هذا التخصيص لا يجوز شرعا وهو مخالفة لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ترى من الجماعات كالياسينية وكذا يجتمعون على في ليلة الجمعة للقيام جماعة، من أين لكم هذا؟ ويصومون كذلك يوم الجمعة وغيرهم كثير مخالفة لأوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكتاب الله وصحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولنهج سلف هذه الأمة. أبو الدرداء de nous dire que الرسول صلى الله عليه وسلم lui a dit يا أبا الدرداء، quel honneur d'être appelé par le prophète عليه الصلاة والسلام، يا أبا الدرداء، ne donne pas une particularité à la soirée du vendredi. C'est-à-dire, n'accomplis pas de prière de nuit, tout simplement, particulièrement durant la soirée du vendredi. Et ne jeûne pas le jour du vendredi, ne particularise pas le vendredi avec un jeûne. Hein? Maintenant, on voit beaucoup de groupes, que ce soit Yassinite et autres, dont certaines tendances, d'El Ikhwan, etc., se réunissent la nuit du vendredi, ils font un qiyam al-layl en commun. D'où vous le ramenez? Où est votre preuve? Il y a un jeûne en commun le jour du vendredi, etc. Et tout ceci est une divergence avec la voie de nos plusieurs dans la... Regardez le conseil que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abu Darda. Et Darda l'a transmis à la communauté. Darda l'a mis en application et l'a transmis à cette communauté. Beaucoup de gens, la nuit, dès le vendredi, en dehors des autres jours de la semaine, ils prient la nuit. Il jeûne le jour du vendredi. Et ceci est en divergence avec la loi d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Man yuti'i ar-rasoula faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au prophète, il a oublié Allah. Et celui qui désobéit au prophète, hein? Le sens contraire, qu'est-ce qu'il dit? Comme ça, la situation est claire. Celui qui désobéit au prophète a désobéi à Allah. Simple. ثالثا من مناقبه رضي الله عنه وارضاه فقهه وحرصه على تعليم الناس الخير. L'une des qualités qu'avait et l'une des caractéristiques de Abu Darda, c'est sa jurisprudence et sa compréhension. Il s'acharnait aussi à enseigner le bien aux gens. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان فينا رجل لم تزل به أمه أن يتزوج حتى تزوج ثم أمرته أن يفارقها أي يطلق زوجته. فرحل إلى أبي الدرداء بالشام فقال إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت ثم أمرتني أن أفارق. قال أبو الدرداء ما أنا الذي آمرك أن تفارق وما أنا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط الجنة، فاضع ذلك الباب أو احفظه، ضيع ذلك الباب أو احفظه. قال فرجع وقد فارقها. رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن. Et voilà, je veux que vous voyez là, parce que ce qui est transmis par l'imam Ahmad et par les imams du hadith, il faut que vous le méditez. C'est un exemple. Comment on doit être avant de faire quelque chose qui est très important dans notre vie, on doit demander à qui de droit. On ne doit pas suffire de vis-à-vis d'un conteur d'histoire ou là quelqu'un qui a mémorisé le Coran. Là, il y a l'islam. On doit demander à un homme de science. Écoute, la position de ce jeune. Abu Abdurrahman Sulami, dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, nous dit, il y avait parmi nous un homme, sa mère l'incitait à se marier, il s'est marié. Et après, sa mère lui a ordonné de divorcer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Obéir à sa mère ou la garder sa femme? Donc, il ne s'est pas penché ni d'un côté ni de l'autre. Et il a pris sa monture, direction Abu Darda, à Sham, au nord de l'Arabie. Il faut qu'on médite cette position, cette réaction de cet homme. Nous, maintenant, c'est plus facile. Tu peux rentrer avec Cheikh Fawzan par le téléphone direct. Des fois, il est sur Palto qui a donné le cours, tu peux lui poser ta question directe. Est-ce que nous avons ce tic, il faut qu'on l'apprenne. Regarde, là. Combien? Un mois aller et un mois retour pour aller chercher sa sentence. L'islam. Et moi et toi, nous sommes avares d'un geste de coup de téléphone ou là d'une frappe sur un clavier pour demander aux hommes de science. Ah là, il n'a pas pris la décision. Obéir à sa mère ou se séparer de sa femme. Il a couru vers l'homme de science. Il a couru vers Abu Darda. Il lui a dit, ma mère n'a pas arrêté de m'inciter à me marier jusqu'à ce que je suis marié. Et maintenant, il m'ordonne de divorcer. Abu Darda lui dit, je ne suis pas celui qui va t'ordonner de te séparer de ta femme. Mais je ne suis pas celui qui va t'ordonner de la retenir. Ni l'un ni l'autre. Alors que parmi nous, il y a certains. Divorce-la. On la garde très vite. Taqillahi. Il est des hommes de science, comme Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Tant que Ibn Baz était vivant, il n'a jamais voulu émettre une sentence sur un divorce. Il a même une fatwa. Et une fois que Cheikh Ibn Baz est mort, à ce moment-là, il veut que la responsabilité veut que Et il lui a dit, radiallahu anhu wa ardah, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit, moi je ne te redonne pas ni de la garder, ni de séparer avec elle. Mais j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam, la preuve. Zide. La leçon, la preuve, agis. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire que le père, c'est-à-dire les parents, en général, que ce soit la mère ou là, le père, sont le milieu de la porte du paradis, le milieu des portes du paradis. Soit perd cette porte ou la préserve cette porte, comme tu veux. Maintenant, à toi de voir. Perd cette porte ou la préserve la porte. Et avant qu'il revienne du Sham vers sa maison, il a divorcé. Il s'est séparé de cette femme. Mais ce qu'il faut que tu retiens là-dedans, c'est que, avant que tu fasses quelque chose qui est très important, d'avoir t'orienter vers qui de droit. t'orienter vers quelqu'un qui disserte, quelqu'un qui a fait des études de sociologie. Ils sont nombreux autour de toi. Oulah, tu vois en lui le bien parce qu'il a la sunna, etc. C'est un bien, mais fait min Allah Azza wa Jal. Voir est-ce qu'il correspond à la question que tu lui poses. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il est digne de ça? Est-ce qu'il en a les capacités? La yakhal islam. Et béni la parole qu'a dit Abdullah ibn Mubarak ibn Sirin. Cette science est une religion. Regardez chez qui vous la prenez. La yakhal islam. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء أين مسكنك قال قلت في قرية دون حمص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاسمع يا من تترك الجماعة ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية أي القاصية من الغنم وهذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وغيره وابن حبان والحاكم وغيره محسن والشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي النسائي رحمة الله عليه Et Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri de nous dire qu'il a honte que Abu Darda lui a dit où tu habites? Où tu habites? Il s'inquiète, il veut savoir où il est. Hein? Il dit j'habite dans un village en dehors de Hams, en dehors d'une grande ville. Hams c'est en Syrie. Et Abu Darda de l'orienter vers une parole qu'il a entendue du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, chaque trois personnes qui sont dans un village et qui ne font pas la danne ou qui n'y a pas la danne et qui n'accomplissent pas la prière, Shaitan s'accapare d'eux. Il faut que tu te cramponnes à la jama'a, au groupe. Car le loup ne s'acharne que sur la brebis galeuse, celle qui est toute seule. Donc, jama'a, dial haq. De la vérité est très important. Il faut que tu la cherches, le jama'a dial haq, de la vérité. Pas n'importe quel jama'a, ils se réunissent pour se réunir et vas-y. Wa hada amrun minhu radiyallahu anhu bil muhafazati ala as-salati fi al-jama'a. Ça c'est un ordre de une orientation d'Abu Darda de préserver la prière dans le groupe. وعن قيس بن كثير رحمه الله قال قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي ما أتى بك قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الهمة حديث واحد سمعت أنك تحدث به عن رسول الله قال ما قدمت لتجارة قال لا شهر ذهب وشهر إياب قال ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث قال نعم سبحان الله ونحن الأحاديث قربنا ها وهذا يسافر مسافة شهر لذلك كانوا من الجيل من الأجيال الفاضلة عند الله سبحانه وتعالى فضلهم الله سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرن الذي ولدت فيه والذي بعده والذي بعده لا قيس بن كثير دون دير Un homme est venu de Médine chez Abu Darda à Damas. Et Abu Darda lui a posé la question, pourquoi tu es venu? Il lui a dit, j'ai entendu que tu transmets un hadith. Un hadith, un seul hadith à l'islam. Il a fait un voyage d'un mois. Et leur voyage, ce n'est pas comme les nôtres. Toi, tu montes dans l'avion, tu ramènes le rafraîchissement, tu as la clim, tu y as. Si t'as mal à la tête, on te donne un doliprane et va. Hein? Et pourtant, tu entends, il dit, c'est difficile d'aller apprendre au Yémen. C'est difficile de vivre, hein, de suivre le cycle de Médine. C'est difficile. Subhanallah. Et puis, ils sont arrivés à ce degré avec quoi? Là, une a le ilm bi rahat al jism. La science ne vient pas avec le repos du corps. Hein, loin de là. Il faut que tu sentes tes genoux brûler de douleur. comme tu as usé ton jean sur les bancs de l'école laïque, tu dois user ton kamis, hein, sur la terre de Dimash ou ailleurs, pour apprendre l'héritage de ton messager, alayhi salatu salam. Il a dit, tu es venu pour quoi? Il a dit, je suis venu pour un hadith. Il a dit, juste pour un hadith, tu n'es pas venu pour un commerce. Il a dit, non, pour un hadith, même pas le commerce. Pourtant, il peut faire d'une pierre deux coups, et non, juste le hadith. Et ça, c'est cette valeur, cette importance qu'il donnait à la religion d'Allah Azza wa Jal et aux enseignements du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pour ça qu'ils ont été élus, min Allah Azza wa Jal, pour être les meilleurs des générations de l'humanité, après les prophètes alayhi salatu wa sallam. La meilleure des générations, c'est celle dans laquelle je vis. Et celle qui la suit, celle qui la suit. De l'humanité après les messagers alayhi salatu wa sallam, jusqu'à la fin des temps. Pour cette importance qu'il donnait aux directives d'Allah, aux directives de son messager, alayhi salatu salam. Et ils passaient cette religion avant leur vie. Qala, fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa inna al-malaikata latadau ajnihata aridan li talibi al-ilm. Wa innahu la yastaghfiru lil-alim man fi al-samawati wal-ard. حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أخرجه ابن حبان والهيتمي في موارد الظمآن والترمذي وغيره وصححه والحديث صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في سنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه. Et là il lui annonce la nouvelle. Quand il a cherché pourquoi il est venu, il lui annonce la bonne nouvelle min Allah Azza wa Jal. Il lui dit dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud, par Nasa'i, par d'autres, que Cheikh Nasr a fait authentique dans Sunan Abi Daoud et Sunan Ibn Majah, il dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu salam dire, celui qui prend un chemin dans la demande de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le chemin avec cet apprentissage de la science. Ici, il s'agit de la science du livre et de l'authentique de la sunnah. Parce que c'est la seule science dans laquelle il y a le bien. Les autres sciences, ils donnent deux faces. Une face néfaste, une face positive. Andak. Donc ici, il s'agit de la science du livre et de l'authentique de la sunnah du prophète alayhi salatu salam. Celui qui prend ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite, lui ouvre un chemin vers le paradis. Et les anges étalent leurs ailes en agréant ce que fait le demandeur de science. Et les habitants des cieux et de la terre, et même les poissons au fin fond de la mer, et dans une autre version, même les fourmis au fin fond de leur trou, font dua pour le demandeur de science. Et les vertus et l'importance d'un savant par rapport à un adorateur, un ascète, c'est comme les vertus qu'il y a entre un astre et la lune. La lune éclaire le monde entier, l'astre il s'éclaire juste lui-même, une petite parcelle. Et les savants sont les héritiers des prophètes alayhi salatu wassalam. Et les prophètes alayhi salatu wassalam n'ont pas fait héritage d'un sou, mais ils ont laissé une science. Et celui qui l'hérite, il a eu la plus grande part du bien. Les anges agréent ce que fait le demandeur de science. Et s'étalent leurs ailes. Il est des fous qui a dit, en se moquant de ce hadith, donnez-moi des chaussures avec des clous, je vais écraser les ailes des anges. Et il a mis ses clous, ses chaussures avec ses clous, il est sorti. Il a été paralysé. Châtiment min Allah Azza wa Jal de se moquer d'une orientation du prophète alayhi salatu salam ou de la religion d'Allah Azza wa Jal. Les hommes de science disent que si les poissons et les fourmis font du apurada parce que hadou, au niveau des animaux, la religion t'apprend comment il faut que tu sois avec l'animal. Tu ne dois même pas le frapper sur son visage. Si tu le tues, tu dois être bon Hein? Tu ne vas pas le faire souffrir, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de sagesse dans ce hadith. Hein? Imagine-toi l'héritage que tu as tué au 15e siècle, et tu as une part de l'héritage de Mohammed al-Sallam et des autres prophètes al-Sallam, parce que la religion de Mohammed al-Sallam a abrogé toutes les religions. Là, là. Tu imagines ce bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala te comble. Et ça, tu ne peux pas l'avoir avec une autre science. Les autres sciences, ils ont le positif et le négatif. Ils peuvent être positifs et ils sont négatifs aussi. Ce stylo-là. Je peux écrire le bien comme je peux écrire le mal avec. Il sera bien par rapport à ce que les gens l'utilisent. Si j'écris des hadiths, etc. et tout. Mais maintenant, si j'écris de l'associationnisme avec, ou là je l'utilise dans la magie, dans etc. Ou là dans des paroles mauvaises, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un mal. Donc il n'y a qu'une seule science qui est bénéfique, au sens large du terme, c'est la science de cette religion. Qala Allah, qala Rasul. Les autres sciences sont bien ou sont mal, l'un ou l'autre. Ils peuvent être bien comme ils peuvent être mal. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se pencher sur les autres sciences. La communauté a besoin de certaines choses qui émanent de ces sciences. Loin de là. Hein? Mais il faut aussi, en étant médecin, avoir quand même un bagage dans sa jurisprudence. Et avoir au moins la connaissance de ce qui était obligatoire durant les 24 heures. Savoir ce que doit faire ta femme au moment où il a ses menstrues, il a ses louchies. Chaque chose qui se présente à toi, tu dois connaître les lois d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète Allah Azza wa Jal. Tu veux partir à Oul-Hajj, tu ne pars pas comme ça en suivant hein, les gens comme ça. Là, tu te prépares. Le jeûne arrive, tu te prépares pour ce jeûne. Et ainsi de suite. Tu n'accomplis pas une chose avant de l'avoir appris, connue, avec preuve. Min manaqibihi radiyallahu anhu wa arda. زهده في الدنيا وإقباله على عبادة ربه في partie des qualités d'Abu Darda رضي الله تعالى عنه c'est que ce bas monde lui a importé peu. Ce qui lui a importé c'était se rapprocher d'Allah عز وجل, adorer Allah عز وجل, plaire à Allah عز وجل, avoir l'agrément d'Allah عز وجل. النبي جحيفة وابن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء رضي الله عنهم جميعا. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة إلى لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا أي في النساء يصوم النهار ويقوم الليل فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال أي سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان آخر الليل قال سلمان لأبي الدرداء قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رضي الله عنه أجمعين وهذا حديث من البخاري. أبي جحيفة رضي الله عنه نغبط أبي جحيفة وهب بن عبد الله نغبط que الرسول صلى الله عليه وسلم a fait il a fait que سلمان الفارسي أبو الدرداء soit des frères comme il a fait que des que des muhajirun soient les frères des Ansar. Et là, c'est Salman et Abu Darda. Et Salman, un jour, est venu visiter Abu Darda. Il a vu que la femme d'Abu Darda, Ummu Darda, était négligente dans son aspect vestimentaire. Il lui a posé la question, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, ton frère Abu Darda, ce monde, ce bas monde ne l'intéresse pas. Ça veut dire que même les femmes ne l'intéressaient pas. Il jeûne la journée, il prie la nuit. Quand Abu Darda est arrivé, il a ramené le repas à Salman, il lui a dit « mange car moi je suis en jeûne ». Salman lui a dit « je ne mange pas ». jusqu'à ce que tu manges. Et il a mangé avec lui. Et quand il est arrivé la nuit, alaykoum salam, Abu Darda s'est réveillé pour aller faire des prières de nuit. De l'autre côté, Salman l'appelle, lui a dit, dors. Il s'est réveillé, il s'est endormi, il s'est réveillé une deuxième fois, il lui a dit, dors. Jusqu'à la fin de la nuit, au dernier tiers de la nuit, vers la fin de la nuit, à ce moment-là, il lui a dit, Abu Darda, réveille-toi. Ils ont prié. Et Abu Darda, après, lui a dit, à Salman, lui a dit, tu as des droits duquel tu dois t'acquitter vis-à-vis de ton Seigneur. Et ton corps a des droits sur toi. Ta famille a des droits sur toi. Et tu dois t'acquitter de chaque droit. Tu dois donner à tout un chacun son droit. Ils sont allés vers le prophète, alayhi salam, Abu Darda, a dit ce que lui a dit Salman. Et Salman lui a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a raison Salman. Il a raison Salman. Et ainsi ils étaient, la même chose ici, de prendre le conseil. Nous devons se conseiller mutuellement dans la vérité, pour la vérité, sur la voie de la vérité. Voilà. C'est un exemple aussi. C'est-à-dire que chaque fois que tu as un acte d'un compagnon qui passe, tu dois, qu'est-ce que je dois prendre comme leçon dedans? Salman a donné le conseil. Donc, il n'y a aucun doute qu'Abu Darda a mis en application ce conseil. Hein? Il n'y a aucun doute que nous aussi, il nous incombe de se conseiller mutuellement la vérité dans la vérité, pour la vérité. Il n'y a aucun, donc il faut méditer ce conseil de Salman et le mettre en application. C'est-à-dire, nous devons s'acquitter des droits. Le droit d'Allah, le droit de notre corps, le droit de nos femmes, de nos enfants, et ainsi de suite, de la société, etc., de nos frères, etc. Il y a des droits, il faut s'en acquitter. Yaqulu Abu Darda, radiyallahu anhu, bu'itha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ana tajir, fa'aradtu an tajtami alayya al-ibadatu wa at-tijara. فلم يجتمع فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة والذي نفسها بالدرداء بيدي ما أحب أن لي اليوم حانوتا على باب المسجد لا تقطعني في صلاة أربح في كل يوم 40 دينارا وأتصدق بها كلها في سبيل الله قيل له يا أبا الدرداء وما تكره من ذلك قال شدة الحساب رواه الأصبهاني في حلية الأولياء أي يوم القيامة سيحاسبني ربي على هذا المال ويسألني عنه سؤالين أين وفيما المال حلاله حساب وحرامه عذاب il dit رضوان الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم quand il a été messager il a été envoyé comme messager j'étais commerçant et je voulais réunir entre eux le commerce et l'adoration et ça s'est pas réuni pour moi. Et j'ai refusé le commerce et je me suis orienté vers l'adoration. Et par celui qui tient l'âme d'Abu Darda entre ses mains, je n'aime pas aujourd'hui que j'ai une boutique en face de la mosquée ou à côté de la mosquée et que je ne rate aucune prière et que je gagne 40 dinars par jour et que je les donne sur le sentier de l'Azza, je les donne au nom. On lui a dit, pourquoi Abu Darda? Qu'est-ce que tu détestes dans ça? Il a dit la sévérité du jugement et du calcul le jour de la résurrection. C'est que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va demander des comptes. L'argent, même halal, d'où tu l'as gagné, c'est il y a un compte à faire. Et s'il est illicite, ben, il y a le hisab, quand même le compte. Mais s'il est illicite, il y a le châtiment. Cela ne veut pas dire que tu dois te retirer, hein? Et de vivre sur le social. Andak. Andak. Non. Tu dois prendre les moyens. Et tu dois être un croyant fort. Et la main haute est mieux que la main basse. Comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et le croyant fort est mieux que le faible dans tous les domaines. Hein? وقال رضي الله عنه ما يسرني أني أقوم على الدرج من باب المسجد فأبيع وأشتري فأصيب كل يوم 300 دينار وأشهد الصلاة كلها في المسجد لا أقول إن الله تعالى لم يحل البيع ويحرم الربا ولكن أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله écoute le conseil à la fin maintenant. Il dit, je n'aimerais pas avoir une boutique qui donne face directement dans la mosquée. je vends, j'achète, je gagne 300 dinars par jour, je fais toutes les prières dans la mosquée. Mais je ne dis pas que le commerce est illicite. Et je dis que le commerce est licite et que riba, l'usure, est illicite. Mais il dit, je préfère être parmi ceux qui ne sont pas perturbés et dont le temps n'est pas pris par le commerce. Hein? Et je préfère être parmi ceux qui invoquent Allah Azzawajal et qui ne sont pas pris par les choses de ce bas monde. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه يا أهل دمشق فلما أقبلوا عليه قال ألا تستحيون ثلاث مرات ألا تستحيون ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون وتبنون ما لا تسكنون سبحان الله كأنه يعيش بيننا كم هذا عنده ثلاث طبقات في شمال إفريقيا لا يسكنها فارغة ثلاث طبقات هنا أربع طبقات هنا لا. كان أبو الدرداء معنا أبو الدرداء أدي aussi un jour aux gens de Damas ils sont accourus vers lui ils leur disent vous n'avez pas honte vous réunissez ce que vous ne mangez pas elle vous amasse ses amas et vous espérez aux choses que vous n'allez pas acquérir, et vous construisez ce que vous ne habitez pas. Subhanallah, c'est comme si Abu Darda est avec nous. Combien de gens amassent, ils ne vont jamais le liquider. Il y a des gens, ils ont de ces comptes, ils ne vont jamais y arriver à leur fin. Mais ils n'arrêtent pas. Combien de gens ont trois immeubles dans cette ville, trois immeubles dans là, etc. Ils n'y habitent même pas. Il y a certains... Au nord de l'Afrique, ils sont vides depuis 10 ans, depuis 15 ans. Il n'y a que les souris qui jouent dedans. Et là, peut-être son cousin, ou là le Hada, qui lui trime. Il n'arrive même pas à trouver un logement. Là, il est dans une maison dans laquelle il y a plusieurs familles. Mais ouais, il a trois bâtiments qui sont fermés. Comme si Abu Darda est avec nous. Ala innahu qad kana qablakum qurunun yajma'una fa yu'un. ويأملون فيطيلون ويبنون فيوتقون فأصبح جمعهم بورا وأصبح عملهم غرورا وأصبحت منازلهم قبورا ألا إن عادا ملأت ما بين عاد وعمان نعما وأموالا فمن يشتري منكم مال عاد بدرهمين Il leur a dit, ceux qui étaient avant vous, des siècles sont passés avant vous. Ils réunissaient beaucoup. Et ils espéraient, et ils construisaient, mais très fort, des constructions énormes qui ont traversé les siècles. Et tout ce qu'ils ont réuni est contre eux maintenant. C'est quelque chose sur lequel ils doivent rendre des comptes, inchallah. Et tout leur espoir est devenu quelque chose en vain. Ils ont été imbus par ces espoirs, ils se sont fait avoir par ces espoirs. Et leurs maisons sont devenues des tombes. Ad. Le peuple de Ad a rempli entre Aden et Oman. Toute cette distance-là de construction énorme. Construction de Ad. Adla, subhanahu wa ta'ala, nous en a parlé. Puissante. Il n'y a pas un peuple qui peut construire comme ce qu'a construit Ad maintenant. Dans le monde contemporain. Leur bienfait, l'argent qu'ils ont réuni, tout. Et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous maintenant qui me donne 2 dirhams, 2 sous pour l'héritage de Ad, Qawm Ad, التي لم يخلق مثلها في البلاد. الذين قالوا من أشد منا قوة أين هم ذهبوا أين أموالهم أين مساكنهم ذهبت ومع ذلك افتتن الناس بالدنيا ولم يتعظوا بعاد وأمثالها. Et le peuple de Ad, Allah سبحانه وتعالى, il n'y a rien, il n'y a aucun peuple qui sera comme Ad. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, qui est plus fort que nous? Où sont maintenant? Ils sont partis. Où est leur fortune? Où sont leurs maisons? Tout est parti. Et malgré tout ça, les gens ne prennent pas le sang dans le peuple de Had, ni Tamoud, ni Fir'aoun, rien du tout. Et ils se combattent, ils accourent sur ce bas monde, jusqu'à oublier les obligations de Allah Azza wa Jalla. Aller chercher sa subsistance, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas à l'islam que ça nous fasse oublier les obligations d'Allah. Il nous est demandé d'aller chercher. Halal. De se nourrir de halal, nos enfants, etc. Mais il nous est demandé aussi de préserver les droits de l'Allah Azzawajal. Il faut un juste milieu entre les deux. ومن مواقفه رضي الله عنه يقول جبير بن نفير لما افتتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا كما ترى وكأنه يقول أخشى على الأمة الإسلامية أنهم إذا تركوا دينهم نزل بهم ما نزل بمن قبلهم صدقت والله يا أبا الدرداء صدقت والله يا أبا الدرداء صدقت يا أبا الدرداء فما نزل بهذه الأمة من الذل والهوان إلا بعد أن تركوا دينهم وتركوا أمر ربهم ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذل لا يرفع عن هذه الأمة حتى يرجعوا إلى دين حتى ترجعوا إلى دينكم قال والرجوع إلى الدين أمر صعب ليس بالهين إنه قال حتى ترجعوا إلى دينكم والكاف كاف المخاطب فكان أمامه الصحابة أي إذا رجع أردنا أن نخرج من هذه الدل فعلينا أن نرجع إلى الدين الذي كان عليه محمد وصحبه الكرام رضي الله عنه ما أنا عليه اليوم وأصحابي Donc, parmi ces positions aussi, c'est ce que nous a rapporté Joubert. Joubert de Nofer nous dit, quand il y a eu la conquête du Nil, qu'il y a eu la division, ils ont divisé entre les gens de cette ville, moi-même, la conquête de cette île, et les musulmans ont pris cette île. Les gens de cette île ont pleuré. Et il a vu Abu Darda assis dans un coin en train de pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures, Abu Darda? C'est un jour de gloire pour l'islam et pour les musulmans. Il lui a dit, malheur à toi, ya Joubert. Regardez la compréhension. Malheur à toi, ya Joubert. Les gens ne valent rien pour Allah, Azza wa Jal. Rien ne peut durer. Quand les gens délaissent les ordres d'Allah, Azza wa Jal, ils valent rien devant Allah, Azza wa Jal. Alors que ça, c'était une communauté qui était apparente. Ils avaient la puissance, ils avaient la royauté, ils ont délaissé leur place. Regarde ce qui leur est arrivé. Il a pris la conquête ne l'a pas fait réjouir, mais il l'a fait pleurer au contraire, parce qu'il a dit, ce qui est arrivé à cette communauté, c'est parce que ils ont délaissé les ordres de l'Allah. Regardez la compréhension, la profondeur de la compréhension, et la minutie de la compréhension. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Pour être les compagnons de son prophète, et il a fait que leur chemin soit leur chemin. Le chemin agréé min Allah Azza wa Jal, c'est leur chemin. Et la compréhension, c'est la leur. Les croyants, ce sont les leurs. Pour ça. Comme s'il nous disait, il disait, radiallahu anhu wa arda, je crains pour la communauté de l'islam, que s'ils délaissent leur religion, qu'ils tombent dans un avilissement comme il est arrivé aux autres peuples. Et il a dit vrai par Allah. Par Allah, il a dit vrai à Abu Darda. L'avilissement dans lequel belle la communauté maintenant, c'est parce qu'ils sont loin des ordres d'Allah, Azza wa Jal, de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ont délaissé les ordres d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que quand vous allez être loin et les obligations d'Allah, Azza wa Jal, il dit dans le hadith qui est dans Silsila Sahiha ibn Umar, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Vous allez être avili jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. C'est-à-dire que l'avilissement, la bassesse dans laquelle vous allez être, vous n'allez pas en sortir jusqu'à ce que vous revenez à votre religion. Mais faites attention avec moi, le fait de revenir à la religion, c'est pas une mince affaire, il faut le comprendre comme il se doit. Quand il a dit à votre religion, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam devant lui, tu étais pas, j'étais pas, les fondateurs de ces groupes qui sont là, ils étaient pas. Mais il y avait Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, ça veut dire, jusqu'à ce qu'on revienne à cette religion sur laquelle était Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. C'est ce qui explique la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. C'est ça qui va nous sortir de l'avilissement. C'est ça qui va nous sortir de la division. C'est ça qui va nous sortir de la divergence. Parce que si on est sur la compréhension des compagnons, sur leur voie, sur leur mise en pratique, tout va tomber après. La source est identique. Maintenant, les idéologies de chaque groupe sont nombreuses. Les principes fondamentaux de chaque groupe sont nombreux. Comment tu veux te rencontrer? Impossible. Impossible. Il y a des divergences qui abolissent les fondements de cette religion. Qui sont des domaines des croyances. Comment tu peux te rencontrer avec? ou l'être en accord avec. C'est pas possible. Amma mawa'iduhu ridwanullahi alayhi. Yaqulu Abu Darda, law ta'lamuna ma antum ra'una ba'da al-maut lama akaltum ta'aman ala shahwatin wa la sharibtum sharaban ala shahwatin wa la dakhaltum baytan tastadhilluna bihi wa la kharajtum min as-su'udat tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum wa law wajadtu anni shajaratun tu'dhad thumma tu'kal. Ajal. لو يعلم كل منا ما يكون بعد الموت من قبر وحشر وحساب وجزاء ما أكل ولا شرب ولا نام ولكن الكثير منا في غفلة. Parmi ces leçons qu'il a donné à la communauté, c'est Abu Darda a dit dans ce qui est rapporté dans Zuhd de l'imam Ahmed rahmatullah alayh, si vous savez ce que vous allez rencontrer, ce que vous allez voir une fois que vous allez mourir, vous n'allez pas manger un repas avec plaisir. Vous n'allez pas prendre un repas avec plaisir, ni que vous allez boire avec plaisir. Et vous n'allez pas rentrer dans des maisons pour s'abriter du froid ou de la chaleur. Vous allez sortir sur terre, frappant vos poitrines et pleurant sur vos péchés, sur vous-même. Et il disait, si j'étais un arbre, pour être utilisé. Et rien du tout après. Pas de compte, ni rien du tout. Il disait, c'est lui, il disait ça. Si j'étais, que devons-nous dire maintenant? Certes, si chacun de nous sait ce qu'il y a après la mort, la tombe, la résurrection, les comptes, le châtiment, au-delà de la récompense, il ne pourrait pas boire et manger. Mais nous sommes insouciants. Nous allons arrêter là et demain on reprendra les exhortations et les leçons et les conseils d'Abu Darda, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.